7-20, activation dictée. Formes masculines et féminines, singulier et pluriel. Écoutez et complétez. 1. Robert a les épaules carrées. Il a aussi le menton carré. 2. Les parents de Robert sont divorcés. Sa mère est remariée avec un Argentin. Son père n'est pas remarié. 3. L'Argentin a la moustache noire. Le père de Robert n'a pas de moustache, mais il a les sourcils noirs, comme Robert. 4. Ce sont tous les deux des messieurs très distingués. Mireille aussi est très distinguée. 5. Mireille est jolie et elle a aussi un joli prénom.